Donc on vous propose aujourd'hui, après avoir passé une série de séances autour de la présentation de collectifs vidéo engagés dans des pratiques militantes, de prolonger ce travail, mais de passer à un temps un peu, je dirais, de réflexion et de nous intéresser aux discours qui ont tenté de penser l'émergence de la vidéo et accompagner ces pratiques et ces esthétiques militantes. On a eu un premier temps voilà, qui était davantage consacré à des récits présentant l'origine d'un certain nombre de collectifs qui n'étaient pas forcément tous déjà évidemment connus. On essayait d'en cerner les origines, le fonctionnement, les modalités d'action. Et aujourd'hui, nous souhaitions donc, avec nos deux invités, Monique Martineau-Henbel, connue notamment pour être la directrice de la revue Cinémaction, et avec Patrice Flichy, donc professeur de sociologie, spécialiste de l'innovation et des techniques d'information. Donc, en votre compagnie, on souhaitait donc faire cette étape davantage, donc, je dirais, réflexive et permettant de revenir sur l'ensemble de la période des années 70 et avec Patrice Flichy jusqu'à des pratiques contemporaines avec le développement d'Internet, ce qui nous semblait quelque chose d'absolument nécessaire. Et vous avez par ailleurs le programme, donc vous savez que la suite des séances seront consacrées davantage à des études de cas sur des thématiques de lutte spécifiques, ouvrières, féministes ou encore antinucléaires et écologiques. Donc voilà, on aura l'occasion de reparler des séances ultérieures, enfin deux séances aujourd'hui. Et ben, pour commencer, je vais en fait donner la parole à Sébastien Laïerve pour que tu introduises l'intervention de Monique Martineau, qui va être l'occasion de mettre en évidence, je me permets de le dire de cette manière, le rôle très important et singulier du couple que tu as formé avec Guy Henbel dans l'accompagnement critique des cinémas militants, dans le soutien aux cinémas militants, mais aussi de manière plus étonnante dans le paysage de l'époque, dans la défense de la vidéo militante, et qui, à mon sens, émane d'une grande ouverture, je dirais, idéologique et technique, qui a été la vôtre au sein de la revue, notamment Écran, puis Cinémaction, et dans bien d'autres numéros consacrés à ces thématiques. Donc je te laisse la parole, Sébastien, et puis ensuite, nous écouterons donc nos invités, Monique Martineau, puis Patrice Flichy.